Pendant ce temps, dans le fournil, le boulanger balayait avec application. Il a préparé une petite table avec un seul couvert. Il y a des fleurs dans un vase. Le marquis entre. Qu'est-ce que tu fais là, boulanger? Eh bien, oui, monsieur le marquis, je balaye là parce que je suis sûr maintenant qu'elle va revenir, alors j'arrange tout. Veux-tu me laisser ce balai? Qui m'a foutu un idiot pareil? Tu sais ce qu'il faut faire avec ce balai? Il faut scier le manche pour l'avoir bien en main. Et quand elle va revenir tout à l'heure, tu vas me lui foutre une de ces danses qui lui persuadera la vertu. Ah, je peux pas faire ça, monsieur le marquis. Oh, non, j'ai tout rangé dans la chambre, j'ai fait le lit. Ah bon? Tu n'es donc pas cocu par accident? Tu es cocu de naissance. Oh, monsieur le marquis plaisante. Au pied du village, il y a le cimetière, entouré de hauts cyprès. Contre le tronc d'un arbre, Aurélie cache son visage. Debout auprès d'elle, le jeune prêtre lentement lit la parabole de la femme adultère. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la pierre le premier. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent ces paroles, ils sortirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit « Femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. »